Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec La Longue des Zones, et ça se tient ici de l'émission, c'est bien sûr l'album de la semaine. Et j'ai le goût de vous parler d'un album qui est sorti il y a presque un an, ben à peu près un an. Mais c'est un album qui s'est vu récompensé à deux reprises en fin de semaine au gala de la disque. J'ai jamais vu ça, moi. Il y a la catégorie auteur-compositeur qui a été remis à une instrumentaliste. Donc, c'est Alexandra Streliski qui s'est mérité la statuette comme compositeur ou compositrice. Et aussi, découverte de l'année. Ça, c'est vraiment génial pour Alexandra Streliski, qui nous a sorti, il y a presque un an, l'album « Inscape ». Le nom Alexandra Streliski vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, la pianiste, compositrice montréalaise qui a charmé Jean-Marc Vallée et qui a sorti l'excellent disque Pianoscope il y a déjà 8 ans de ça. Eh bien, nous revient avec un deuxième album, un opus complet cette fois-ci. Inscape nous offre une sélection de pièces instrumentales magnifiquement interprétées en solo au piano, de la trame de départ plus tôt qu'on va entendre dans quelques instants, jusqu'à la dernière note de le nouveau départ qu'on va entendre en fin de commentaire. Eh bien, il semble avoir quelques des images fortes qui se dessinent. Ces images, c'est celles de la réflexion, de l'évasion et du recueillement. Autre phénomène intéressant sur ce disque, c'est que plusieurs phrases musicales sont répétitives, comme le balancier d'une horloge. Cette situation réussit à nous capter et nous bercer tendrement. Donc, c'est vraiment bien fait. On va y aller avec une première pièce. Plutôt, c'est la pièce qui débute l'album. Allez faire un tour sur alexandrastreliski.com. Voici Plutôt. Quelques pièces maîtresses sont entre autres celles qu'on vient d'entendre plus tôt, qui dressent bien la toile de fond de l'album. Interlude semble une pièce plus complexe avec une trame de clavier qui vient ajouter une certaine profondeur à un extrait déjà bien fignolé. Une belle mélancolie s'installe dans le décor de cette plage. La force de la pièce Burnout Fugue, qu'on va entendre dans quelques instants, eh bien, réside dans l'intensité de la prestation. Ce magnifique crescendo nous fait sentir une certaine pression et le besoin de s'évader et de le goût de la liberté. L'album se conclut avec une suite de la pièce Le Départ qui terminait l'album Pianoscope il y a 8 ans. Le nouveau départ nous ramène à ce sentiment d'évasion et de liberté qui semble évident en écoutant l'exécution de cet extrait qui finit très, très bien l'album. Donc, c'est vraiment un album très intéressant, Inscape. Je vous prie d'aller faire un tour sur alexandrastreliski.com pour découvrir son univers. Comme je vous dis, elle a remporté 2 Félix en fin de semaine, soit le Félix de l'auteur-compositeur de l'année et découverte de l'année également. Je suis très, très, très fier, très, très, très content et excité de voir qu'une artiste que j'ai peut-être découvert voilà 8 ans, qui commençait sa carrière, aujourd'hui, progresse très bien et remporte d'excellents prix à la disque. C'est toujours excitant et c'est la preuve que des fois, quand je trouve quelque chose d'assez intéressant, sans aucune prétention, je pense que je sais reconnaître de très bons artistes. Alexandra Strelitzky, c'en est une, pianiste, instrumentiste, bref, une fille remplie de talent. On l'écoute avec Burnout Fugue. Voici Alexandra Strelitzky. Après 8 ans d'absence sur disque, la pianiste-compositrice montréalaise Alexandra Strelitzky vient nous charmer à nouveau. Inscape est ce genre d'album que l'on entend très peu. Ce genre d'album qui, par sa simplicité et sa générosité, réussit à captiver toute la profondeur de l'âme de l'auditeur. Seul les pianos et avec une ouverture profonde sur ses émotions, Alexandra Strelitzky nous livre encore une fois un chef-d'œuvre hors du commun. La jeune compositrice réussit à nous offrir un rendez-vous magique avec elle et son instrument. Laissez-vous séduire en visitant son site internet alexandrastrelitzky.com. Alexandra Strelitzky, qui, je vous rappelle, vient de se mériter deux Félix au Gala de la Disque, au dernier Gala de la Disque. Et son album Inscape est vraiment génial. Une pièce qui m'a beaucoup touché sur l'album, qui m'a rappelé une pièce du premier EP qui s'appelait Pianoscope. Voici le nouveau départ, Alexandra Strelitzky. La terre qui bouge comme ça. monte les marches une à une. Sur mes épaules, une fortune. J'ai 102 ans. Est-ce la terre qui chavire? Je suis le roi de mon empire. Mon nouveau sport, c'est le sourire. J'ai 102 ans. C'est l'éternel recommencement. Je t'ai gardé loin dans mon cœur. Toi, ma préférée, mon âme sœur. J'ai 102 ans. On a ouvert le bloc de l'Est Québec-Ontario avec 102 ans de Luc Grandmaison, une de ses plus belles chansons de cet auteur-compositeur-interprète qui a vécu une bonne partie de sa vie en Outaouais, dans la région de la capitale nationale. Bon, c'est un bon ami à moi, je l'avoue, mais c'est un auteur-compositeur-interprète vraiment talentueux avec de très belles chansons. Et ça, c'est parmi une de ses plus belles. Je vous raconte l'histoire rapidement. Cette pièce-là, ben, il l'a conçue, il l'a créée après avoir été, je pense, c'est chez Schwartz à Montréal, où ce qui vendait des smoked meat. Et il avait été à la salle de bain, et en remontant à la salle de bain, il a croisé un bonhomme comme ça, et c'était le propriétaire de Schwartz qui avait 102 ans. Et qui était à son restaurant comme ça, soir après soir, descendait les marches tranquillement à son bureau, allait à la salle de bain, remontait en haut, prenait un verre. Bref, Luc Grandmaison avait été surpris et charmé par le type comme tel. Donc voilà l'histoire de 102 ans. Écoutez, Johnny René vient de lancer tout simplement son album Je suis UFO. Et c'est cet album-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend des chansons du répertoire franco-ontarien et elle les transforme avec une couleur jazz. Et c'est fort bien réussi. Et puis là, ben, l'album est disponible. Vous pouvez faire jeannyrené.com, aller voir ça, ou jeannyrené sur Facebook et aller vous mettre la main là-dessus. C'est génial. Je vous envoie « J'entre » de Joël Leroy. Si vous connaissez la chanson, vous allez la reconnaître un peu. Si vous ne connaissez pas la chanson, allez voir le dernier album de Joël Leroy pour l'écouter. Et écouter cette version-là, c'est magnifique. Vraiment une belle couleur jazz, assez intéressant. Par la suite, on va entendre Michel Lalonde qui vient de lancer son album « Comme un engin ». Et j'ai décidé de jouer une pièce qui s'appelle « Joli cœur de rosier ». Et vous allez voir, très belle version également de cette chanson-là. J'entre dans mon corps, reposer mon âme. Je ne regarde pas dehors pour endormir le blâme. Comme quelqu'un qui a fait ce qu'il avait à faire. Comme quelqu'un qui a envie. Qu'à vous a tant pleuré, joli cœur de rosier. joli, joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Pleurez pas tant la belle, mamie, joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Je vous le rendrai, au guélon là de la rive. Je vous le rendrai, joli cœur de rosier. Je vous le rendrai, au guélon là de la rive. Je vous le rendrai, joli cœur de rosier. Joli cœur de rose, joli cœur de rosier. À la première plonge, mamie, joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Qu'elle n'en a rien trouvé, au guélon là de la rive. Qu'elle n'en a rien trouvé, joli cœur de rosier. Qu'elle n'en a rien trouvé, au guélon là de la rive. Qu'elle n'en a rien trouvé, joli cœur de rosier. À la deuxième plonge, mamie, joli cœur de rose, joli cœur de rosier. À la deuxième plonge, mamie, joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Galant l'a repéré, au guélon là de la rive. Galant l'a repéré, joli cœur de rosier. Galant l'a repéré, au guélon là de la rive. Galant l'a repéré, joli cœur de rosier. À la troisième plonge, mamie, joli cœur de rose, joli cœur de rosier. À la troisième plonge, mamie, joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Le galant s'est noyé, au guélon là de la rive. Le galant s'est noyé, joli cœur de rosier. Le galant s'est noyé, au guélon là de la rive. Le galant s'est noyé, joli cœur de rosier.